un mal. Chapitre 17. Le jour suivant fut douloureux pour Germaine. Ce gros plaisir passé, elle se regarda avec la stupeur d'une personne dégrisée qui, pendant son ivresse, aurait commis une action noire. Et elle se demandait si c'était bien elle, la fille méprisante, qui s'était oubliée dans les bois. Elle se revoyait intacte, ignorante de l'homme, telle qu'elle avait été jusqu'alors. Une minute avait suffi pour anéantir tout cela. Elle ressemblait maintenant à toutes les filles qui se perdent. Elle avait un amant. Et elle répétait ce mot à satiété. Un amant. Elle, Germaine, avait un amant. À force de penser à la chose, elle finit par trouver au mot des tendresses, une soumission inexprimablement douce, qui la charma. Après tout, bien d'autres en avaient eu qui n'en étaient pas mortes. Ce jour-là, un mercredi, était consacré selon la coutume de chaque semaine aux reprises de la lingerie. Une chambre servait spécialement à serrer le linge de la ferme. Deux placards en étaient encombrés et le reste s'étalait par tas sur des planches clouées contre le mur. Un amas de raccommodage emplissait la table. Sur une chaise posait le carreau, les étuis et les bobines de fil. Elle demeurait là, les mains inoccupées, songeant à l'amour, au bonheur, au silence des taillis. Par moments, des chaleurs l'étouffaient. Elle se levait comme suffoquée, prenait l'ouvrage et le laissait retomber. Un instant, elle pensa à fuir la ferme. Ils iraient ensemble n'importe où, devant eux. Rien ne les empêcherait plus de vivre comme mari et femme. Ce n'était qu'une idée qui se mêlait à toutes les autres dans la déroute de sa conscience. Et petit à petit, alourdie, elle pencha sa tête sur sa gorge et s'endormit. Une voix qui l'appelait la réveilla en sursaut. De l'autre côté de la fenêtre, le fermier Hulotte se tenait devant elle dans la cour. Il avait poussé du poing la fenêtre mal close et la regardait dormir, narquoisement, avec bonté. « Paré, Germaine, que ta colle la kermesse dans les doigts !» dit-il. Un saisissement la prit. Elle devint blanche. Les sourcils tendus comme devant un malheur, elle demeurait immobile, sans trouver une parole. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Un mot seul lui était resté. Il avait parlé de la kermesse. « Bah ! » fit Hulotte. « Ce que j'en dis, c'est pour rire. On n'a pas toujours le cœur à la besogne. » Elle fit un effort, lui répondit une chose vague, et il la laissa pour courir après le poulain, qui se gorgeait de paille dans la grange. Elle le suivit des yeux, un peu rassérénée. Il avait ri, il ne savait rien. Elle se trouva d'autant plus lâche de l'avoir trompée dans sa confiance paternelle. La journée se passa dans ses défaillances. Un ciel gris s'apercevait à travers les arbres, noyait leur verdure dans des tons sourds, d'une douceur triste. Une pluie fine tomba. Les fumiers dorés s'embrumèrent alors d'une vapeur pâle. Lentement, les bruits s'étouffèrent dans un demi-silence lourd. Son cœur se gonflait. Elle eût voulu pleurer. La pluie, maintenant, coulait des gouttières avec un gloussement monotone. Les poules s'étaient tassées sous les charrettes dans les hangars. Elle voyait les vaches pelotonnées se remuer avec de grands mouvements lents dans les fumiers bleus de l'étable. Par moments, un chat traversait le pavé en trottant, les oreilles couchées très vite. La guillée mettait des rayures minces sur la cour demeurée vide, où personne ne passait plus. Elle ouvrit la fenêtre. Aspira longuement la fraîcheur de l'air. C'était bon, cela. Ah oui! Et elle fermait les yeux, se réfugiait dans des pensées calmantes. Mais des senteurs montèrent de la fosse au fumier, caressant libertinement sa narine. Elle eut une colère et poussa la fenêtre. Elle ne le reverrait plus. Elle y était décidée. Cet homme aurait passé dans sa vie, voilà tout. Est-ce qu'il n'y avait pas tous les jours des histoires de filles qui se paient un caprice? Elle avait voulu connaître l'amour. À présent qu'elle le connaissait, elle redeviendrait la Germaine d'autrefois. Elle était bien bête de tant se chagriner. Puis elle se rappela les paroles de la Cougnole. Et petit à petit, ce souvenir l'obséda, au point de faire bouillir son sang. Il leur serait facile de se revoir. La vieille leur était acquise. On paierait sa discrétion. Des idées de bonheur interminables, encore une fois, l'obsédèrent. Le soir glissa le long des toits dans la cour. La pluie avait cessé. Des bouts de nuées violettes se dénouaient dans la pâleur du ciel. Sur l'horizon clair, les bois massaient leurs noires croupes dormantes. Une gravité se répandit sur la campagne. Un banc de pierre était accolé au mur près d'une touffe de chèvrefeuilles, en dehors de la cour. De là, on voyait le bosselement des champs à travers la plaine inégale. Germaine alla s'asseoir sur le banc. L'ombre l'enveloppa bientôt, demi-sommeillante et tranquillisée. Elle aurait voulu s'endormir sous le ciel, là, près de lui. En ce moment, un gémissement lent s'éleva, grandit, plana au-dessus du sommeil des étables, et un peu après, le gémissement se fit entendre de nouveau. Infiniment douloureux, avec une tristesse presque humaine, cela déchira la nuit. Sans savoir pourquoi, Germaine tressaillit. C'était une vache en train de vêler. Les mots la faisaient meugler, tantôt debout, tantôt couchée, et les autres vaches la regardaient de leurs yeux ronds, le mufle tendu, inquiète. La vachère était auprès d'elle et l'aidait, lui passant les mains sur le ventre de chaque côté et pressant le veau vers le bas, vigoureusement. Les douleurs de la génisse grandissant, la bête geignait, sourde et râlante. Ses lamentations s'entendaient à présent de loin, et il y avait dans ses lamentations de la douleur et de l'épouvante. Elle aussi avait connu le puissant amour du taureau. Et bouleversée, Germaine pensa à l'enfantement. Devant elle, la nature invulnérable dormait dans l'immobilité de la nuit. Une paix immense flottait sous le bleuissement de la lune. Et par large bouffée, le chèvrefeuille l'enveloppait de ses odeurs.